Chapitre 5. La demande. Les barons ont fait la demande. Tout s'est passé selon leurs vœux. Le père a dit : ma joie est grande. Et Berthe, si l'on veut, je veux. Elle rougit suivant l'usage. Et tous les barons d'admirer, au nom de Pépin, ce visage, si clair qu'on s'y pouvait mirer. Alors, le roi Fleuret se propose : messieurs, vous devez avoir faim. Venez donc prendre quelque chose de réconfortant et de fin. Vous avez la joue et l'œil cave, et vos chevaux n'en veulent plus. Videz mes celliers et mes caves. Soyez friands, soyez goulus. Tout est conclu, rien ne vous presse. Restez un mois, restez en deux. Reposez-vous avec ivresse, des nuits et des jours hasardeux. Mais eux que Pépin seul anime, plus fort que la tentation, déclinent d'un geste unanime cette aimable invitation. Notre prince est en peine, sire. Laissez-nous partir à l'instant. On se consume comme cire, quand on ignore et qu'on attend. J'aime, dit le roi, votre zèle, mais je ne puis à mon regret vous octroyer la demoiselle, sans son trousseau qui n'est pas prêt. Si vous avez trop souciance du roi qui languit de savoir, portez à son impatience l'allégement d'un sûr espoir. Volez à lui, prompte comme flèche. Vous lui direz en arrivant que Berthe vous suit en calèche et que son cœur marche devant. Il dit : chacun bondit en selle. Et c'est ainsi, de 8 à 9, que Berthe au grand pied, très pucelle, fut promise à Pépin, très veuf.